trahi ma confiance et je sais que tout se perd. Moi je dis que je suis comme eux, mais c'est pas ce qu'ils pensent, ils se disent que je suis refait. Mais les soucis c'est les mêmes, et les gens c'est plus que c'était. Maintenant ils sont gros les problèmes, maman se fait d'anxiété. Moi je regrette pas ce que j'ai donné, tous ces gens qui ont profité de moi, de mon buzz, de mes vues, mais bon c'est comme ça. Toujours qui, je t'ai tout donné, maintenant tu me renies. Moi je suis ni, toujours qui, je t'ai tout donné, maintenant tu me renies. J'ai fait mon tour, j'ai fait mon tour, j'ai fait mon tour, j'ai éteint mon téléphone. J'halte pas la gâte, même si elle est bonne. J'ai éteint mon téléphone. J'halte pas la gâte, même si elle est bonne. J'sais pas dire I love you, même dans mon dream. À personne je me fie. J'ai pas pris un coup, j'mène une dure vie. Mais je survis, oui, tout en est. J'ai fait mon tour. J'halte pas la gâte, même si elle est bonne. J'ai fait mon tour, j'ai éteint mon téléphone. J'halte pas la gâte, même si elle est bonne. Et merci bien la zang, vous m'avez pas oublié. Et merci bien la zang, depuis toutes ces années. Qui a quand t'as foy, tu vois personne à haïe. Que les soldats de la zone arrivent mariés. J'prends une grosse carrière, dire que mon soumon s'arrier. Ça voulait pas parier, j'voyais les chiffres devant le palier. Fais toi tes alliés, tes ennemis voudront me balayer. Fouette ça et ça parlera de toi dans le quartier. J'ai fait mon tour. J'halte pas la gâte, même si elle est bonne. J'ai fait mon tour, j'ai éteint mon téléphone. J'halte pas la gâte, même si elle est bonne.